Imaginez que vous passez la moitié de votre journée à regarder des vidéos sur YouTube, sans même vous en rendre compte. C'est pourtant ce qui arrive à beaucoup d'entre nous, grâce aux algorithmes de recommandation de contenu qui nous suggèrent des vidéos en fonction de nos intérêts. Mais quels sont les effets réels de ces algorithmes sur notre société? Les auteurs d'un récent rapport ont analysé les pratiques publicitaires en ligne et leur impact sur notre monde. Les algorithmes de recommandation de contenu utilisés par les plateformes de médias sociaux et les moteurs de recherche peuvent avoir des effets secondaires néfastes, tels que la radicalisation et la polarisation des opinions, la diffusion de fausses informations et la menace pour la santé publique. Les plateformes utilisent en moins des techniques pour capter notre attention, telles que les likes et les notifications, et les algorithmes peuvent même exploiter nos émotions négatives pour augmenter notre engagement. C'est pourquoi il est essentiel de prendre en compte les impacts sociétaux de ces algorithmes et de développer des mesures pour prévenir la captation de l'attention et la diffusion de fausses informations. Les plateformes de médias sociaux et les moteurs de recherche ont la responsabilité de prendre des mesures pour prévenir les effets secondaires néfastes de leurs algorithmes. Nous devons également encourager une discussion ouverte et honnête au sein de la communauté de recherche en informatique pour trouver des solutions à ces problèmes. En fin de compte, il est temps de prendre conscience de l'impact que les algorithmes de recommandation de contenu ont sur notre société et de prendre des mesures pour les rendre plus responsables et plus éthiques. Nous devons nous assurer que les technologies que nous utilisons chaque jour ne nuisent pas à notre bien-être et à notre démocratie. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez à regarder des vidéos sur YouTube, prenez un moment pour réfléchir à l'impact que ces algorithmes peuvent avoir sur votre vie et sur notre société.